François Villon, Ballade des femmes de Paris. Quoi qu'on tient belle langagère, florentine, vénitienne, assez pour être messagère. Gascogne, Nancy, Toulousaine, de petits ponts de harengère.